à février, le début de la belle saison. La nature s'était éveillée, il y avait quelques bourdons. Un tout jeune renard trouvait pas de femelle en rut. S'il ne la retrouvait pas, il l'aurait vraiment dans le cul. C'est alors qu'il rencontra une jolie louve au pelage blanc. Elle était jolie vraiment. Et quand elle vit le renard, simplement elle lui souria. Merci. C'était un renard, c'était une louve qui décidèrent de défier la nature. Mais comme les renards sont aussi des canidés, y'a pas vraiment d'autre nature dans cette contrée. Le renard à la louve dit: tu dieu, ce que vous êtes belle. La louve lui répondit: que fais-tu dans cette forêt? Je chasse pour me nourrir, mentit un petit peu le renard. N'as-tu point de femelle, lui dit la louve d'un chouette regard. La louve dit au renard: veux-tu que je sois ta femelle? Le renard n'en était pas sûr, car il pense que c'est contre nature. Renard plus loup, ça ferait un relou. Calembour. Merci. C'était un renard, c'était une louve qui essayait de défier la nature. Mais comme les renards sont aussi des canidés, y'a pas vraiment de contre nature dans cette contrée. La louve tendine de ses pattes et dit: renard, que vois-tu? Le renard lui découssinait exactement comme ses pattes à lui. La louve dit: tu vois, nous avons les mêmes pattes. Nous sommes donc des canidés, on peut donc bien s'accoupler. Le renard fit une nuit de folie avec la jolie louve à la fourrure grise. Plusieurs mois après, elle mit naissance à une nichée de renard loup, pour le meilleur et pour le yif. Oups! C'était un renard, c'était une louve qui décidèrent de défier la nature. Mais comme les renards sont aussi des canidés, y'a pas vraiment de contre nature dans cette contrée. C'était un renard, c'était une louve qui décidèrent de défier la nature. Mais comme les renards sont aussi des canidés, y'a pas vraiment de contre nature dans cette contrée.